بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، la louange est à Allah Azza wa Jal pour cette assise où nous allons inshallah terminer ce que nous avons entamé hier concernant les causes de l'augmentation de la foi. Nous avons vu certaines causes hier parmi les causes que citent les hommes de science à ce niveau, qui est le fait d'augmenter la foi et qui sont des causes pour augmenter la foi. Et parmi ces causes citées hier, la connaissance d'Allah de par ses noms et ses attributs, d'une connaissance véridique et authentique, une connaissance qui va créer chez l'être humain l'amour d'Allah, la révérence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la peur et l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième cause, c'est le fait de comprendre le Coran et de le mettre en application. C'est l'une des causes aussi pour augmenter la foi. Et la troisième, le fait de méditer les enseignements de l'islam et les enseignements surtout de l'islam authentique. Hein, et à ce niveau-là, il y a eu l'isala noble à lire, qui est petite dans la taille, grande dans les leçons, qui est la risala du Cheikh Sa'di rahimahullah, intitulée Ad-Din al-Sahih yuhillu al-mashakil kullaha. La religion authentique règle tous les problèmes. Et aussi parmi les causes, c'est le fait de se pencher sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam pour prendre les leçons et pour mettre en application et pour voir un petit peu comment il était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, comment il agissait dans toutes les situations. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit ainsi: wa innaka la'ala khuluqin 'azim, c'est-à-dire tu es sur le plus noble et le plus haut des comportements, comme il l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand notre mère Aïcha a demandé à Rasoul, on lui a demandé plutôt comment il était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ridwanullah alayha que son comportement c'est le Coran. Cela voulait dire tout simplement qu'il mettait en application les ordres qu'il y a d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans le Coran, et qu'il s'abstenait sallallahu alayhi wa sallam des interdits qu'il y a dans le Coran. Et parmi les causes aussi que nous avons vues, c'est le fait de se pencher sur la biographie des nobles compagnons ridwanullah alayhim et de lire leur biographie, comment ils se sont sacrifiés pour l'islam, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour cette religion, et comment il était leur amour du messager alayhi sallam. Et suit à ça aussi la vie de leurs successeurs et des hommes de science et des vertueux et des revivificateurs dans cette communauté, des prêcheurs dans cette communauté. Il y a eu de grands hommes qui ont marqué cette histoire musulmane et qui avaient prodigué beaucoup de sacrifices pour cette religion. Et le fait de se pencher sur leur biographie, ceci nous remet à notre place. Malgré ce que nous pouvons faire, on ne peut pas arriver au degré de ceux qui nous ont devancés comme les nobles compagnons et leurs successeurs. Et ceci nous motive quelque part pour avancer un petit peu et faire mieux de ce que, et accomplir toutes nos capacités, pour plaire à Allah Azza wa Jal et avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Parmi les causes aussi, c'est le fait de méditer cet univers et ce qu'il contient, de le regarder pour voir la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour y voir la puissance et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que rien n'égale à cette puissance et à cette majesté, à cette grandeur. Et nous avons à méditer aussi ici ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, alors que nous sommes dans cette période où la communauté humaine vit une grande catastrophe que tout le monde subit, le plus fort, le puissant et le faible aussi, tout le monde l'a subi. Et Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, il dit, ces graves maladies, ces graves maladies qui généralisent la mort sont une clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le croyant. Étonnant. Sont une clémence pour le croyant. Hein? Médite ce qu'il a dit, rahmatullah alayhi, que ceci est une clémence min Allah azza wa jal. Hein? Et tu as à voir pourquoi. Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde l'affolement de ceux qui n'ont pas d'aqidah, qui n'ont pas d'iman. Comment ils se jettent sur les stocks de nourriture. Et comment, hein, ils sont devenus fous à la recherche de la subsistance matérielle et à la recherche de la nourriture. Et ça, nous devons apprendre la leçon. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait des soumis à lui et de nous avoir fait des croyants. Hein? Les gens actuellement, même en écrasant les autres, même en commettant des préjudices sur les autres, peu importe, des moments qu'ils remplissent son chariot et puis classe. Hein? Alors que ceci doit être une leçon pour nous, pour revenir vers Allah, voir où nous sommes, hein, au niveau de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Un petit soldat a fait plier le monde entier, qui ne se voit même pas à l'œil nu. Hein? Et ceci doit nous booster et nous avancer, hein, et nous pousser à accomplir les bonnes œuvres, à être encore plus soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et de regarder où sommes-nous par rapport à la religion d'Allah, par rapport à la religion, à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Ceci, normalement, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, ceci est une clémence pour le croyant. Pourquoi? Pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il revoie ses erreurs, qu'il voit ses lacunes et qu'il se repent et qu'il fasse un grand retour vers son subhanahu wa ta'ala et qu'il se soumette à lui comme il se doit et comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Et face à cette épreuve, nous devons en tant que soumis à Allah se poser certaines questions. Pourquoi cette épreuve? Qu'est-ce qui a fait que ce châtiment arrive à ce moment-là bien précis? Et nous devons nous poser la question, où sommes-nous par rapport aux obligations d'Allah? Où sommes-nous par rapport au droit du messager alayhi salatu wassalam? Où sommes-nous par rapport à sa sunna? Où sommes-nous par rapport à la voie des nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection? Hein? Et nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'être soumis à lui, et nous devons remédier à nos manquements et à nos lacunes et à notre manquement à accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait obligatoire d'accomplir, et nous devons nous corriger, et que ce signe d'Allah subhanahu wa ta'ala soit un motif pour nous réveiller de notre insouciance, de notre somnolence. Et qu'on sache, comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le Fawaid, que la source et la base de tout bien, c'est que tu saches que ce que Allah veut, il sera. Et ce qu'il ne veut pas, il ne sera pas. Et que tu aies la certitude que les hasanat, c'est une grâce d'Allah avec laquelle il te comble. Et que tu le remercies pour cela. Et que tu l'implores qu'il t'en prive pas. Et que les péchés, c'est un châtiment d'Allah, qu'il t'a abandonné à toi-même, qu'il t'a laissé libre à ton nefs. Et tu dois implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour t'éloigner du péché et pour t'orienter vers la bonne voie. Et pour te préserver des péchés. Et tu dois implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ne te laisse pas libre à toi-même. Que ce soit pour l'accomplissement du bien ou pour le fait de tomber dans le mal. Il dit, rahmatullah alayh, ceux qui connaissent Allah, al-arifuna billah, sont unanimes que tout bien, que le soumis accompli, c'est par l'aide d'Allah. Et tout mal qu'il fait, c'est qu'Allah l'a abandonné et l'a laissé libre à lui-même. Et ils sont unanimes, rahmatullahi alayhim, que la réussite, c'est qu'Allah ne te laisse pas libre à toi-même et qu'il ne t'abandonne pas à toi-même et qu'il ne te laisse pas libre avec ton nefs, avec ton shaitan. Et tu as à méditer ce dua que nous a appris le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dont que nous devons faire dans les invocations du matin et du soir. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. صلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ô toi, l'éternel vivant, qui accomplit toutes choses et dont toute chose a besoin de toi et t'as besoin de personne, ne me laisse pas libre à lui-même, à moi-même, ne m'abandonne pas à mon nefs, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Hein? Et donc, avec cette épreuve que le monde subit actuellement, qu'on se rappelle le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lequel il nous a comblés. Et nous devons être dignes de ce bienfait qui est la religion musulmane et de chercher à l'accomplir comme l'a accompli le messager alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Imagine, Akhil Karim, qu'on se rende compte de ce grand bienfait de l'islam, c'est une leçon pour nous. Hein? Regarde la stabilité de pensée et de l'esprit dans lequel nous installe cette soumission à Allah Azza wa Jal. Hein? Une stabilité qui n'a pas d'égal. Et regarde, je te donne un exemple concret que tu comprends. Il y a 3 semaines, la plus haute autorité de ce pays disait, hein, que le fait de ne pas serrer la main à sa collègue du travail, c'est un signe de radicalisation. Le fait de ne pas lui faire la bise est un signe de radicalisation. Hein. Et le fait de se voiler est un signe de radicalisation et ainsi de suite. Hein. Allahu Akbar. Et vient ce petit soldat d'Allah Azza wa Jal et qu'il change en un clin d'œil les lois des hommes pour éviter ce soldat d'Allah, pour éviter d'être contaminé ou d'être atteint par ce virus. Et la louange est à Allah pour sa grâce. Alhamdulillah ala afdlihi wa ihsanih wa judihi wa karamih. Un de nos frères qui travaille, ça s'est passé il y a 2 semaines, qui travaille dans une raffinerie de pétrole pas loin de chez vous d'ici. Et en général, dans toutes les raffineries pétrolières, tu as la douane qui est présente. Dans la cantine, un jour, un douanier a embrassé une de ses collègues de travail. Et un ouvrier aussi de la raffinerie a fait de même avec une autre collègue. Et ceci a été rapporté aux supérieurs. Ils ont reçu un avertissement. Tous les deux. Subhanahu wa baddil ahwal. Yuqallibu l'umura kayfa yasha. Il retourne les situations, subhanahu wa ta'ala, comme il veut. Hein? Regarde, ce qui était hier, signe de tolérance, de courtoisie, de bienisance dans la loi des hommes est devenu aujourd'hui un délit à cause d'un petit virus qui ne se voit pas à l'œil humain. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam wa ni'mati sunna wa ni'mati l'manhaj salafi. Allahumma a'izza l'islam wa l'muslimin wa adilla l'shirka wa l'mushrikin. Allahumma akhrijna min hadhi d'diyar salimin ghalimin يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Et quand médite cette analyse qui convient, à ce qui nous arrive maintenant. Il est fait cette analyse, il est fait il y a 8 siècles. Dans son livre, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Turuq al-Hukumiyya, ou al-Hakamiyya, il a dit, il n'y a aucun doute que la mixité entre hommes et femmes est à l'origine de tout mal et de toutes épreuves, et c'est l'une des grandes causes du châtiment général. Il y a 8 siècles de ça déjà. Comme il est la cause du mal dans les situations de la masse et dans la situation des particuliers. Et c'est une des causes de la mort généralisée avec les sortes de graves maladies, la peste et autres. Il dit, quand les prostituées ont rejoint l'armée de Moussa alayhi salatu wassalam et que Zina s'est propagé au milieu d'eux, Allah leur a envoyé une maladie Ta'un. En une journée, il a fait mourir 70 000 personnes. En un jour. Cette histoire est relatée dans tous les livres de l'explication du Coran. Il dit, rahimahullah, donc quand Zina augmente et que les femmes circulent, exhibées au milieu des gens, ceci est la cause qui généralise la mort par les grandes maladies. Il dit, rahmatullah alayh, si les gouverneurs savaient le mal qui en découle pour le monde des gens, avant le mal qu'ils subissent dans leur religion, ils seraient fermes dans son combat. Fin de citation des paroles de Ibn al-Qayyim. Il y a 8 siècles qu'il les a écrites. Rahmatullah alayh. Walaka an tara inda Ibn Kathir fi an-nihayati fi al-bidayati wan-nihaya fi ihdath sanat 478 lil-hijra. Dit rahimahullah dans son grand livre, son recueil d'histoire au tome 12 concernant les événements de l'année 478 de l'Hijra. C'est l'époque de l'empire Abbaside, vers sa fin. En 478 de l'Hijra, les maladies se sont propagées. La fièvre, la peste, en Irak, au Hijaz, au Cham. Il y a eu beaucoup de morts d'hommes et beaucoup de fauves dont les forêts sont mortes et dans le désert. Et beaucoup d'animaux domestiques, chèvres, moutons, vaches, etc. Et il y a eu pénurie de lait et de viande. La pénurie de lait et de viande. Et avec ça, il y a eu une grande fitna entre Rafida et Sunna. Entre les gens de Shia et avec Sunna. Avec les gens de la Sunna. Beaucoup de gens ont été tués durant cette fitna. Et au début du mois Rabi' premier de cette année, il y a eu une grande tempête noire, un port qui transporte avec du sable, plus rien ne se voit, avec beaucoup de foudre. Les palmiers sont tombés, tout a été rasé, au point où les gens se sont demandé si c'est pas la résurrection qui est arrivée. Et tout ceci s'est dissipé. Et la louange est à Allah, Azza wa Jal, qui a enlevé ce grand mal. Et là, le khalif de l'époque, qui est le muqtadi bi amrillah, l'un des khalifs, Abbasid, a renouvelé le comité qui ordonne le bien et qui blâme le mal. Il l'a renforcé. Et il a renforcé ce comité dans tous les lieux, dans tout le pays, et les dhimmis, c'est-à-dire les non-musulmans qui vivaient sous la protection des musulmans, étaient obligés de s'habiller différemment que les musulmans. Et les instruments de musique ont été cassés partout dans le pays. Et tout l'alcool qui se trouvait, qui le vin, a été coulé. Hein? Et les gens du mal ont été dégagés du pays. Qu'Allah le récompense et le couvre de sa sainte miséricorde. C'est-à-dire, il a agi conformément à la loi d'Allah. Ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre, Badlul Ma'oun, fi Fadlit Ta'oun. Son livre, c'est un énorme volume, qui parle des mérites de ces grandes maladies, et des pestes et ainsi de suite. Il dit, rahimahullah, et cet homme, il est mort en 852 de l'Hégire. Il dit toutes les graves maladies, taon et autres, qui ont été subies par les pays musulmans, à travers l'histoire musulmane, tous ont commencé au début du printemps. Ils se sont dissipés au début de l'été. Tout ce qu'a subi la communauté a commencé au début du printemps pour se dissiper par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, a commencé au début du printemps pour se dissiper par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala au début de l'été. Ce que nous subissons aujourd'hui, nous devons y voir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le remercie et de revenir vers Allah avant que ça ne soit trop tard. Et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il sait à sa grandeur. Nous et ceux qui sont sous notre responsabilité. Il faut que cette catastrophe soit un butin pour nous. Comment on peut faire de cette catastrophe un butin? C'est par le fait de se repentir et de revenir vers Allah et de s'accrocher à notre religion et de faire en sorte que notre descendance fasse de même. Et parmi les choses qui font augmenter la foi, le fait à l'islam de donner l'importance aux bonnes œuvres, car les œuvres font partie de la foi. La foi, c'est des croyances, hein, des paroles et des actes. L'œuvre est une partie intégrante de la foi. C'est pour ça, quand les bonnes œuvres augmentent chez quelqu'un, sa foi augmente. Et quand ses bonnes œuvres diminuent, sa foi baisse. Car les œuvres, à l'unanimité des hommes de science, font partie de la foi. Il a été rapporté par Omar ibn Habib al-Khatmi, radiyallahu anhu arda, l'un des compagnons du prophète alayhi salam, qui a dit, la foi augmente et diminue. On l'interrogea, c'est quoi son augmentation et c'est quoi sa diminution? Et il a dit, radiyallahu anhu arda, si on se rappelle et on invoque Allah et on le glorifie et on le loue, il augmente. Et si on est inattentif, insouciant, négligent, la foi diminue. Les bonnes œuvres à l'islam et toute forme d'actes et de paroles qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée augmentent la foi du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les désobéissances et l'insouciance et toute forme de négligence diminuent la foi. La foi augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance à Allah. L'Auza'i, rahimahullah, a dit, la foi augmente jusqu'à devenir comme les montagnes et diminue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'imam Ahmad, rahimahullah, a dit, la foi augmente jusqu'à arriver au ciel et diminue jusqu'au plus bas fond. C'est pour cela que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de s'occuper et de donner l'importance aux bonnes œuvres et à tous les actes et paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée pour augmenter sa foi. Et parmi les choses qui augmentent la foi, le fait d'assister au rappel, d'assister aux assises de l'apprentissage de la religion et d'assister aux assises de la science, du livre et de la sunnah, selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah Alim. Il donnait l'importance à cela. S'en occuper lui donnait l'importance car il augmente la foi. Et nous avons qu'à voir comment les nobles compagnons d'Allah Alim étaient à ce niveau-là. Hier, je vous ai conté l'histoire de Omar ibn Khattab, qui se reliait pour l'apprentissage chez le prophète alayhi salam. Un jour, il allait travailler et son voisin assiste, reste la journée avec le prophète alayhi salam et apprend avec le prophète. Et le soir, il raconte ce qu'il a appris du prophète à Omar. Et le lendemain, Omar fait de même. Donc le fait d'apprendre sa religion est compatible avec le fait de chercher sa subsistance. Simplement, c'est que la personne doit s'organiser. Et le musulman doit être la meilleure personne dans l'organisation de son temps. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis que tu te réveilles, t'as organisé ton temps. Al-Fajr, Dohar, Kada, Kada, Kada. Dans ta religion, il y a l'organisation. Hein? Et nous ne devons pas passer à côté de ce dua que nous avons dit hier. À quoi Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam faisait à la fin de chaque prière de obligatoire de le Fajr, où il demandait la science bénéfique. Partant de ce hadith, les hommes, on dit il est obligatoire pour un homme et pour une femme d'apprendre chaque jour quelque chose de sa religion. Pas une fois tous les mois, chaque jour qui passe, nous devons acquérir quelque chose de notre religion. Hein? Et dans ce genre de pays, hein, où les tentations sont à tous les coins de rue, comment y échapper si ce n'est par le fait de créer et de se sacrifier pour avoir des assises d'enseignement de la religion d'Allah Azza wa Jal, pour nous, pour nos enfants, pour nos femmes, ils vont l'apprendre où? Et c'est notre responsabilité. Et demain, on sera devant Allah. Et là-bas, la situation est énorme. « Ya ayyuha alladhina amanu, qu'u anfusakum, wa ahlikum nara, wa quduha annas, wal hijara, alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum, wa yif'aluna ma yu'marun. » Ô vous qui avez cru, préservez-vous, ainsi que ceux qui sont sous votre responsabilité, vos femmes, vos enfants, vos sœurs, et ainsi de suite, du feu de l'enfer, dont le combustible ce sont les gens et la pierre, qui est gardé par des anges très forts, qui ne désobéissent pas à Allah, Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on répondra quand on sera devant Allah? Ali, radiallahu anhu, a dit, préservez-les par le fait de les éduquer. Et c'est quoi les éduquer? Leur enseigner la religion d'Allah, Azza wa Jal. Comme il a dit Abdullah ibn Omar et d'autres parmi les plus prédisseurs d'Allah alayhim. Hein? Et regarde, le temps que beaucoup parmi nous passent sur cette arme fatale qui sont les téléphones qui sont entre nos mains maintenant. Comment on y est attaché? Si notre attachement était pour le Coran, il est sunna, il est biographie de nos pieux prédisseurs dans l'âme, comme il est pour les téléphones, on serait très loin. Hein? Et des fois, notre temps, il passe sur des choses futiles qui font plus de mal, qui nous font transcrire des sayyi'at et des mauvaises œuvres chez Allah, Azzawajal. Et des fois, on ne se rend pas compte, on reçoit quelque chose sans vérifier s'il est vrai, si c'est un mensonge ou si c'est juste une rumeur, et on l'envoie pour faire peur aux gens et pour propager le mensonge. Soit il va en appui, khlas, j'ai reçu, ah ouais, c'est un ami, bon, khlas, j'envoie. Et le mal se propage, et les rumeurs se propagent, et ainsi de suite. Non, dans ces cas-là, on contribue. Et dans ces cas-là, on n'a rien fait. On croit qu'on n'a rien fait. Mais en réalité, hein, on est dans un gouffre qui va nous amener vers notre perte. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion et qu'on revient vers le livre d'Allah et vers la sunna du prophète alayhi salam et vers la voie de nos pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Car On n'est pas créé pour ce bas monde. Il faut sortir de notre insouciance. Ce bas monde, on va le quitter, on va le quitter. Il faut savoir avec quoi on veut le quitter. Avec une bonne provision qui est taqwa, ou là on veut le quitter n'importe comment. Écoute les paroles de l'Uthaymin rahmatullah alayh dans son interprétation de Nouniya. Il a dit, rahimahullah, c'est les humains. Ils étaient créés pour ce bas monde et pour y être éternellement. Les prophètes et les messagers en seraient les prioritaires. Il dit, rahimahullah, donc, si on n'est pas créé pour ce bas monde, pourquoi se concurrencer dans le mondain avec les gens de ce bas monde? Et pourquoi on oublie le delà? Et pourquoi l'être humain, quand il met des vêtements neufs le matin, il ne pense pas que peut-être à la fin de la journée, il va mettre son linceul? Ou s'il les met le soir, il ne pense pas que le matin, on lui mettra le linceul du mort. Hein? Il dit, rahmatullah alayh, mais les cœurs sont dans l'insouciance. Mais les cœurs sont dans l'insouciance. Et on demande à Allah de les faire vivre avec la science et la foi. Fin de citation des paroles de ce noble homme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie le Firdaus al-A'la. Il faut faire très attention aussi à l'islam et s'éloigner des causes qui font baisser la foi. Ils sont nombreuses. Les hommes de science ont catalogué les causes qui font diminuer la foi en deux sortes. La première sorte, des causes externes à la personne. La deuxième sorte, des causes internes à la personne. Et parmi les causes internes qui sont dans la personne, les mauvais actes qu'il fait et qu'il accomplit, qui font diminuer sa foi, et qui entraînent l'être humain dans des situations non louables, dans des situations que Allah n'aime pas et n'agrée pas. Il l'amène à faire des actes qui ne conviennent pas aux musulmans, par insouciance, ou par négligence, ou par ignorance. Et le remède de l'ignorance, c'est l'apprentissage. La personne doit apprendre ce qui va lui être bénéfique dans son mondain et dans le delà. Il doit s'éloigner de tout ce qui va nuire à son au-delà et aussi nuire à son mondain. Parce qu'il n'y a aucun doute que les péchés aussi nuisent au mondain de la personne. Et parmi les causes internes à la personne, l'insouciance, l'oubli, le détournement, le fait de se détourner du rappel et de l'apprentissage, et de ne pas leur donner l'importance. C'est pour ça, la personne a besoin, on a tous besoin, de faire des efforts sur nous-mêmes, constamment. قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dans la traduction approximative du sens du verset, et ceux qui combattent leurs nefs et leurs égaux pour Allah, et qui combattent leur shaitan, leurs passions, hein, et qui combattent les ennemis d'Allah pour Allah, Allah leur ouvrira les portes du bien, et Allah est avec les bienfaisants. Et les portes du bien sont nombreuses. La porte du jeûne surrogatoire, les portes de la prière surrogatoire, hein, la porte de la charité, la porte de fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal, et ainsi de suite. Les portes du bien sont nombreuses. Hein. Mais nous avons à faire des efforts pour nous-mêmes, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre ces portes du bien. Il nous est obligatoire, ikhwat al-islam, de faire des efforts sur nous-mêmes, car fait partie des causes internes à la personne qui font faiblir la foi, hein, de la personne et qui font et qui vont la faire diminuer l'âme de la personne. An-nafsul ammaratu bis-su', l'ego de la personne qui le pousse et qui l'incite à faire le mal. قال عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Le verset il est clair dans sa traduction approximative du sens du verset. Certes l'âme est incitatrice au mal sauf ceux que mon Seigneur a préservé. C'est une cause interne à la personne. Il y a dans l'être l'âme, hein, et parmi les âmes, celle qui incite au mal. C'est pour ça que la personne a besoin de combattre constamment, de faire un effort sur lui-même constamment pour empêcher son âme qu'il ne l'entraîne pas vers une voie que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Il doit être constamment aux aguets avec son ego et avec son âme. Tout le temps aux aguets avec, pour la redresser, la ramener au moment où il veut. Hein, il veut glisser, ou là il veut se détourner, ou là il veut dévier. Il ne doit pas écouter son âme qui le pousse à faire le mal et qui l'incite à désobéir à Allah. Et quand il fait des efforts et que son âme prend le dessus sur lui, il répond à son âme. Et il le pousse à faire le mal, sa foi va diminuer. Selon comment il répond aux appels de son âme incitatrice au mal. Comment il lui répond, comment il accomplit le mal, à ce moment-là, tout va de soi. La faiblesse est selon les actes de désobéissance. Hein? Et celui qui est doué de raison, chaque fois, il doit... Hein, la ramener vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et combien même s'il tombe dans l'erreur, il doit se repentir tout de suite. Parce que l'être humain n'est pas infaillible. Mais il ne faut pas qu'il se laisse aller. Il faut qu'il revienne. Et il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes externes à la personne, il y a beaucoup de choses à la tête desquelles vient le maudit, l'ennemi éternel et l'ennemi déclaré Shaitan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. قال عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Le verset est clair. Il dit dans cette traduction approximative du sens, dit Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des shayatins et je cherche ta protection contre leur présence autour de moi. وقال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit et si shaitan t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui le Dieu et l'omniscient. وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Et il est dit dans le verset, hein, Shaitan dit ceci, je vais les assaillir de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et la plupart ne seront pas reconnaissants. Hein? Beaucoup de gens ont répondu à l'appel de Shaitan, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde. Qala azza wa jal, wa ma aktharu an-nas walau harasta bi mu'minin. La traduction approximative du sens du verset est beaucoup ne seront pas croyants malgré ton désir ardent. Ils ne le seront pas. Et tu as médité le verset précédent ولا تجد أكثرهم شاكرين. Et la plupart ne seront pas reconnaissants. C'est pour ça que nous devons constamment demander à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala de nous protéger du shaitan et de nous préserver de son mal. Qala azza wa jal, qala ja fi al-hadith al-sahih, إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. Le hadith nous dit ceci, Shaitan s'est installé sur tous les chemins de la descendance d'Adam. Il est sur notre chemin du bien pour nous détourner du bien. Il est sur notre chemin du mal pour nous y pousser. Il nous y encourager. Il nous enfoncer dans le mal. Tous les chemins que prend l'être humain, Shaitan il est là, il est présent. C'est pour ça l'être humain a besoin de chercher la protection d'Allah contre lui constamment, pour qu'il soit épargné de son mal. Et le moyen le plus fort pour s'en protéger, l'invocation d'Allah. La seule chose que tu as. C'est un ennemi que tu ne vois pas. Prends cette image. L'ennemi que tu vois est celui que tu ne vois pas. Deux boxeurs. Même gabarit. Même poids. Même performance. Mais il est sur le ring. Un, tu lui vois les yeux. Et l'autre, tu lui laisses les yeux ouverts. Comment il fait? Hein? Qu'est-ce qu'on peut, nous, contre cet ennemi qui nous voit et nous, on ne le voit pas? Si on ne se réfugie pas dans la citadelle de protection, qui est l'invocation d'Allah, Azza wa Jal, et qui est l'invocation d'aller chercher la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comment on va en être protégé? Hein? Qala Azza wa Jal, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Il est dit dans le verset, et quiconque s'écarte de l'invocation et du rappel du tout miséricordieux, ne lui désigneront un shaitan qui va être son compagnon inséparable. Hein? Donc, les invocations, quand tu sors le matin de chez toi, n'importe quel moment que tu sors, tu dis ton dua pour que tu sois protégé. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, quand il entend Sayyidi Adam, ça y est, il est protégé. Quand tu rentres, tu invoques Allah. Quand tu rentres aux toilettes, la même chose. Quand tu enlèves tes vêtements. Quand tu veux avoir un rapport avec ta femme, la même chose. À tous les niveaux. Tu dois les invocations du matin, les invocations du soir. Les invocations à un endroit, tu arrives à un endroit. A'oudou bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Tu seras protégé. Hein? De tout le mal, toutes les créatures du mal qu'il y a dedans, jusqu'à ce que tu décompes de là. Et ainsi de suite. Obligé qu'on ne soit pas insouciant. Qu'on fasse, hein, qu'on rentre dans cette citadelle de protection que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Regarde ce dua qui protège aussi de toute forme de maladie. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui le dit trois fois le matin et trois fois le soir, il sera protégé de tout mal, ne le touchera pas. Un jour, un des salafs enseignait ce hadith. Mais il avait une partie, droite ou gauche, qui était paralysée. Dans l'assise, il y avait quelqu'un. Ce hadith, bismillah, il a dit, la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Dans l'assise, il y avait quelqu'un, quand lui, il expliquait ce hadith, il disait le bien de ce hadith, qu'il protège, etc. Hada, dans l'assise, il ne cessait de regarder la partie paralysée de la personne. Il lui regarde, pourquoi tu assistes à regarder cela? À regarder cette partie qui est paralysée. Il lui a dit, sache que le jour j'ai oublié de ce dua, j'étais atteint par cela. Sache que le jour où je n'ai pas fait ce dua, il m'est arrivé ce que tu vois, que cette partie a été paralysée. Ils avaient la certitude sûre que les dua, ils avaient une aqida authentique. Hein? Ils savent que ce qu'a dit le messager alayhi salam est vrai. Ils le comprenaient. Ils le mettaient en application et ça les protégeait. Radiallahu anhu mardahu. Hein? Alors que certains parmi nous, quand on entend ces paroles, vont me protéger de corona? Hein? Yahé! Corona et tout ce monde qu'il contient sont la créature d'Allah et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut. Il en sera atteint celui qui veut qu'il soit atteint, il en sera préservé celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit préservé, et il nous est demandé de prendre les précautions. Les deux A ont priorité. Ah, d'après tout ce qui est matériel, les trucs hygiène, etc., de ne pas aller dans les endroits qui sont atteints par le virus, et de ne pas nous plus, si on est atteint, d'aller dans un endroit pour ne pas le propager, et ainsi de suite. Personne ne dit que les moyens et les causes de se préserver, il ne faut pas les utiliser. Mais les principaux moyens, ce sont les deux, qui étaient annoncés à Rasulullah alayhi wa sallam. Plus les moyens concrets. Et ça te prouve la noblesse et la grandeur de cette religion. Tout ce qui va faire notre bien dans ce bas monde et dans le delà, Rasulullah sallallahu alayhi nous l'a enseigné. S'il y a un hic, il y a des problèmes, c'est nous. De par notre mauvaise compréhension de notre religion, ou de par notre négligence, et de par nos manquements, et ainsi de suite. L'erreur et le hic, il est en nous. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc le verset est clair. Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. La grande erreur maintenant chez nous, souvent c'est certain, c'est que on veut que les autres changent, mais les autres ils font comme ça. Yahri, il t'aille pas, dit le verset, il dit, ils changent eux-mêmes. Donc tu dois changer. T'attends pas que les autres changent. Ou là tu sais pas de changer les autres alors que toi t'as pas changé. Là-bas c'est que toi tu changes. Si toi tu changes et tu orientes ceux qui sont sous ton pouvoir de changer et l'autre fait de même, on y arrive. Mais si toi tu attends que moi je change et l'autre il attend que l'autre il change, la porte d'El Shaitan est ouverte et on reste dans notre insouciance et ça bougera pas. Hein? Les mauvaises compréhensions de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète nous traîne vers le chemin qu'aime Shaitan. Hein? Et nous devons faire très attention à cela. La deuxième cause externe à la personne, ce bas monde, avec ses tentations, ses séditions, ce bas monde avec ses tentations qui sont devenues énormes à notre époque. Les tentations de ce bas monde, ainsi que les séditions, faiblissent la personne et faiblissent sa foi. La personne peut devenir épris de ce bas monde. Son cœur y est attaché à tel point qu'il oublie tout. Les droits d'Allah, les droits de sa femme, les droits des enfants, les droits des autres, et ainsi de suite. Il n'y a que lui. Hein? Pourtant, ce monde est éphémère. Combien sont passés sur cette planète? Où sont-ils? Où est Pharaon? Avec sa tyrannie, sa puissance, etc. Où est Nimrod? Hein? Où sont tous ceux tyrans qui sont passés, d'autres, pas très loin de nous, qui sont morts? Hein? Et tu es à voir. On m'a rapporté que Hada, avant l'apparition, une semaine avant l'apparition du virus en Chine, que l'empereur de Chine, là, je sais pas, avec la plus grande personnalité, avait marqué que nous sommes la plus grande des puissances, que personne ne peut rien pour nous. Et Allah, une semaine après, il envoie quelque chose qui ne se voit même pas à l'œil nu, qui fait agenouiller le monde entier, qui a mis le monde entier à genoux, avec sa civilisation, avec tout. Hein? Et nous devons penser à ça et penser que demain, nous, on va rencontrer Allah. Avec quoi on veut le rencontrer? Quel manuscrit? Qu'est-ce qu'il y a dans nos manuscrits? Les manuscrits qui s'écrivent chaque jour, depuis qu'on se réveille jusqu'à ce qu'on se couche, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et nous devons faire de l'auto-observation sur nous-mêmes, sur nos actes, chaque jour, pour remédier à nos lacunes, à nos erreurs. C'est pas le fait de le faire une fois toutes les semaines. Là, nous devons, si nous voulons sortir de l'insouciance, c'est chaque jour que nous devons faire le compte avec nous-mêmes. Où j'en suis devant les droits d'Allah? Où j'en suis au niveau des droits de ma femme? Où j'en suis dans la sunna du prophète? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai agi avec tel? Est-ce que je n'ai pas commis un préjudice vis-à-vis de tel ou autre? Pour remédier à tout ça, avant de se retrouver devant Allah Azza wa Jal, car l'islam, qu'on a dit certains plus près des sœurs, chaque jour, dont le soleil se couche, il plie le manuscrit de ce qui est écrit, il te dit salam alaykum. On se rencontrera le jour où on se retrouve devant Allah, où je te montrerai ce que tu as fait. Il quitte. Il s'enferme avec ce que nous avons fait. Hein? Combien et comme mal. Et on le retrouvera le jour de la résurrection devant Allah Azza wa Jal. Et tout y sera présent. Qu'il soit grand ou petit, on doit réfléchir avec quoi nous voulons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce bas monde ne nous engloutit pas, il ne fasse pas perdre le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Chercher sa subsistance et demander, il n'y a pas de problème. Et c'est pas aux musulmans d'être à la traîne de qui que ce soit. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment des droits d'Allah, ni au détriment des droits de sa famille, ni au détriment des droits d'autrui, ainsi de suite. Il faut qu'il équilibre la situation. Hein? Et nous avons été créés pour un but bien précis. Il ne doit pas sortir de notre esprit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour me réserver le culte. Il faut qu'on fasse que ce bas monde que, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé, qu'on le mette au service de notre religion. Que ce soit un moyen pour nous faciliter l'accomplissement de ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce soit pas un obstacle. Hein? Et parmi les causes qui faiblissent la foi, un point que beaucoup parmi nous négligent, le mauvais compagnon, le compagnon du mal. Il est dit dans le hadith authentique, Al-mar'u ala dini khalilih, faliyandur ahadukum man yukhalil. Le hadith il est clair, l'être est selon la religion de son ami intime. Regardez qui est votre ami intime. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la sunna, qui te rappelle Allah, ou là c'est quelqu'un qui te traîne vers le café, vers le fait de perdre du temps autour d'eux dans les snacks, ou à zioter n'importe quoi, et à dire n'importe quoi. Il y a des palabres qui n'en finissent pas, ou c'est quelqu'un, quand tu le rencontres, il te fait le rappel, il te rappelle la rencontre d'Allah, il te rappelle ce que veut de toi Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est celui dont la compagnie tu dois chercher. L'autre qui va te faire perdre ton temps, hada, tu dois t'éloigner. Parce que hada, il va être une aide, une cause, pour remplir les manuscrits contre toi. Il faut choisir son compagnon. Certains salafs disaient, l'être humain et le musulman n'a pas le droit de marcher avec qui il veut et d'être en compagnie de qui il veut. Il n'a pas le droit d'être en compagnie de qui il veut. Il doit chercher un compagnon qui préserve les droits d'Allah. Et quand il le voit, il lui rappelle Allah. Hein? Si tu veux sauver ta religion. Le musulman qui tient à sa religion et à sa foi doit choisir ses compagnons. Il ne doit pas être en compagnie de ceux qui ne préservent pas les droits d'Allah Azza wa Jal. Abedan. Il doit faire très attention à ne pas se trouver avec à que ses compagnons soient ceux qui transgressent les lois d'Allah et qui font n'importe quoi dans la religion d'Allah. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple. Qu'avoir l'exemple qu'il a donné Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné l'exemple du bon compagnon par le vendeur de parfums. Si tu vas, tu restes en sa compagnie, tu vas partir avec des bonnes odeurs. Même si tu lui achètes pas, peut-être qu'il va te parfumer. Mais chaque fois qu'il ouvrira son parfum pour faire, sentir à quelqu'un, tu sentiras que du bonnes odeurs. Tu vas rentrer à la maison comment? Tranquille. Et peut-être qu'il va te parfumer. Et le mauvais compagnon qui? Le maréchal Ferrand, le forgeron. Et lui, soit tu vas partir avec ton kamis, ton serwal, comme un tamis. Tu connais le tamis pour séparer la farine du sang? Plein de trous. Parce que l'étincelle de feu, il va faire des trous partout dans tes vêtements. Et tu vas partir avec une mauvaise odeur aussi, parce que quand le fer est jeté dans l'eau, la mauvaise odeur qui sent, donc tu partiras avec des mauvaises odeurs vers la maison. Et ça, c'est l'équivalent de si tu restes avec des fumeurs. Le tabac imprime tes vêtements. Cette mauvaise odeur, tu la ramènes à la femme, à la maison. Tu la ramènes aux enfants. Et ça peut leur créer des maladies au niveau de la respiration. Regarde le mauvais compagnon, ce qu'il ne fait pas comme mal. Hein? Et le mauvais compagnon, s'il te traîne à la terrasse d'un café, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attraper le tertecolis. Hein? C'est la fille de qui celle-là? Hein? La fille de tel. Tante. Toi, t'as pas de sœur, t'as pas de fille, t'as? Hein? Ta langue, tes yeux font n'importe quoi. Hein? Hada, c'est le mauvais compagnon. Et il y a un plus dangereux encore. Celui-là, il bat les records. Le téléphone. Et il bat les records. Ça, comme mauvais compagnon, quand on sait pas s'en servir, khlas, ça peut amener au divorce. Ça peut amener à détruire des foyers. Ça peut amener à zina. Alors que la personne, elle est chez lui, dans sa chambre. Hein? Ça amène à des situations que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Dans sa chambre, il y a ses enfants, il y a tout. Et lui, il est dans un autre monde. Et quand aussi ce matériel, on le donne aux mains des enfants sans règles, sans rien, vazinta. Tu crois que l'enfant, il est là, son corps, il traîne, au Japon, on l'a, va voir. Avec qui? Hein? Comment ils vendent son corps à travers ses téléphones, à travers le monde entier? Hein? Qui est le responsable? C'est toi. Tu lui as acheté. Tu lui as donné. Hein? Et ça, c'est très dangereux. Nous sommes dans un monde qui est difficile. Et mais le paradis d'Allah et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui a un prix qui n'a pas d'égal. Et nous devons faire des efforts sur nous-mêmes, comme l'ont fait les pieux prédécesseurs d'Allah alayhi, pour arriver au fait qu'ils soient, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Ils ont ramené toutes les conditions. Et nous, la seule condition qui nous est demandée, c'est de les suivre à la perfection. Connaître leur chemin et de le prendre à la perfection. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. les premiers qui ont immigré de la Mecque vers Médine pour sauver leur religion. Hein, et l'Ansar, les alliés qui les ont accueillis à Médine, ceux-là, ces deux catégories, ont réuni les conditions pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Ils ne faisons pas partie d'eux. Il reste quoi? Il reste ce qui arrive à la fin du verset, et ceux qui les suivent à la perfection. Pas n'importe qui le suivit. Pas comme tu veux. À la perfection. Tu les suis dans leur croyance, dans leur compréhension de la religion, dans la mise en application. Tu cherches comment ils mettaient en application cette religion pour avoir la satisfaction de Allah Azza wa Jal. Hein? Regarde, ils ont tout laissé pour Allah. Ils ont quitté la Mecque pour Médine. Ils ont fait la hijra. Et regarde maintenant, alors qu'ils étaient faibles. Hein? Et certains, on les a empêchés de prendre leur fortune pour qu'ils puissent partir à Médine. Ils l'ont laissé pour Allah et pour sauver leur religion. Et regarde, nous, nous avons les capacités de faire cette hijra. Et ce confort de ce bas monde nous accable de tous les côtés. Hein? Il faut qu'on voit. Il faut sauver notre peau. Hein? La guerre est devenue très dure contre l'islam et contre la voie de la vérité. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre descendance? Ceux que nous allons laisser derrière nous, ils seront quoi? Hein? Il faut y réfléchir parce que nous sommes responsables. Tout un chacun de nous. Hein? Tout un chacun de nous est responsable de lui-même, de sa femme, de ses enfants. Alors, il faut se rendre compte que la situation est très grave et que le jour de la résurrection, pour chacun de nous, c'est le jour où il rentre dans sa tombe. Déjà, c'est sa petite qiyam. D'après devant Allah, on sera questionné sur toutes ses responsabilités. Il faut pas se leurrer. Alors, c'est pas notre fiche de paye de 5000 euros ou de plus ou de moins qui va nous sauver devant Allah. C'est pas ça qui va faire l'avenir de nos enfants. Alors, l'avenir de nos enfants, il est dans le fait de leur léguer et de les éduquer sur une aqida authentique et sur un amour du prophète alayhi salatu wassalam et sur l'amour d'Allah et sur l'amour de la religion d'Allah azza wa jalla. Et sois logique avec toi-même et regarde, est-ce que ceci, tu peux l'accomplir ici? Est-ce que tu peux l'accomplir ici? Réfléchis bien. Et sache, si tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah il te donnera mieux que ce que tu lui as délaissé. Il faut travailler nos cœurs, travailler notre foi, travailler notre aqida. Le hic, il est en nous. Les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala existent. Mais il faut leurs conditions. Hein? Fasse Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, Biasma al-Husna, وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يخرجنا وإياكم من هذه البلاد سالمين غانمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا